et bienvenue sur le troisième épisode du podcast Cap de Vivre, le podcast où on discute, où on échange, puisque après tout, la science n'a jamais réussi à prouver qu'une discussion ne pouvait pas changer le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Clotilde. Salut Clotilde. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, c'est un vrai plaisir de te recevoir ici. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je vais te laisser faire une petite présentation pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout qui est Clotilde. Je te laisse nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi. Alors, je m'appelle Clotilde, j'ai 32 ans, je suis atteinte d'un syndrome Bieber-Stein-Bloss, une maladie du tissu conjonctif qui touche donc tout le corps. Et mon type, c'est le type 3. Il n'est pas diagnostiquable avec des tests ADN. Ok. Et je suis aussi atteinte de SAMA, syndrome d'activation mastocytée. Et en gros, mon corps, il produit trop d'histamine et il s'auto-attaque. Est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces syndromes? Le syndrome de Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui est diagnostiquée actuellement en France. Enfin, il y a une errance médicale de 20 ans, un peu plus de 20 ans. Ok. C'est une maladie rare et orpheline, qui n'est pas rare. Mmh. En tout cas, on la diagnostique de plus en plus. D'accord. Et ça touche le collagène dans tout ce qui est tissu conjonctif. Et ça va avoir plusieurs impacts. Chez moi, donc, j'ai le type hyperlaxe, donc je suis hyperlaxe, les articulations ne tiennent pas trop en place, en plus d'avoir d'autres problèmes, des douleurs, différentes problématiques en dehors de ça, okay. Au niveau des intestins, des organes, on peut poser des problèmes pour la santé, pour beaucoup de choses, et engendrer une très grosse fatigue. D'accord. Et souvent, ça c'est lié du coup à ma deuxième maladie, le SAMA, qui est un problème en fait de gestion de l'histamine dans notre corps. Et donc, pour la moindre chose, en tout cas chez moi, il va faire des plaques d'urticaire assez importantes. Et du coup, il engendre aussi des problèmes de digestion. Ok. Et justement, en rapport à tout ça, on va discuter aujourd'hui de jeux de rôle. Ce qui fait un pont avec l'autre podcast que je peux animer au pays de Jenny. Mais si on a choisi, toi comme moi, de passer plutôt dans le cap de vivre, c'est parce qu'on va aborder le sujet de jeux de rôle, mais sous un angle peu courant. D'abord, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est ta définition du jeu de rôle ? Comment tu expliquerais ça à quelqu'un qui connaît pas du tout cette activité ? Le jeu de rôle, pour moi, c'est plonger dans un univers imaginaire et pouvoir créer tous les possibles. Tout ce qu'on peut rêver, ne pas rêver, avoir peur, c'est toutes ces facultés-là. Sans avoir à bouger d'une table ou d'avoir mes capacités physiques, par exemple, je pense au GN ou... On incarne les personnages et on joue nos personnages en vrai. Mmh. Là, en l'occurrence, ça ne demande pas de contraintes physiques trop importantes. Et du coup, c'est plutôt adapté pour les personnes en situation de handicap, notamment. Tout à fait. Toi, tu joues plutôt en présentiel, donc tous ensemble autour d'une table, ou est-ce que tu as plutôt des jeux, ce qu'on appelle en distanciel, donc via les réseaux sociaux, via des salons vocaux sur lesquels tu joues? Alors, moi, je fais un peu des deux. Pendant très longtemps, j'ai eu une asso de jeux de rôle sur Angers, où je jouais en présentiel tous les samedis. C'était incroyable. D'accord. J'ai joué pendant 2 années, et j'ai déménagé ensuite dans le sud de la France. Où là, du coup, il a fallu nous refaire un réseau d'amis pour faire des choses en présentiel. Donc, en attendant, j'étais passée en distanciel. Et maintenant, je couple un petit peu présentiel et un petit peu distanciel. Ok. Et alors, le cœur du sujet de notre interview, c'est que tu défends le handicap aujourd'hui comme étant un atout dans le JDR. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quel est ton point de vue par rapport à ça ? Alors, je défends le handicap comme un atout parce que je trouve que dans les jeux de rôle actuellement, ils sont souvent classifiés comme des avantages. D'ailleurs, à la création de personnages, on considère que le handicap, qu'il soit physique ou mental, est un handicap pour le personnage. Mmh. Ce qui, en soi, dans un monde validiste, est vrai. Le handicap, c'est un désavantage dans un monde où, par exemple, tout le monde est super fort et tout ça. On peut le considérer comme ça, mais pour moi, chaque handicap a une force, a quelque chose qui est résilient et qui permet d'avoir d'autres atouts. J'ai fait de la langue des signes, je pense aux sourds, par exemple. Mm-hmm. Les sourds ont peut-être un ouïe, mais ils ont une très bonne perception visuelle. Oui. Ils ont d'autres caractéristiques qui peuvent compenser et largement compenser. Donc oui, sur une table de jeu de rôle classique où on va dire, vous entendez au loin les loups. Bon, les sourds ne vont pas entendre les loups, c'est certain. Mmh. mais ils vont peut-être avoir des détails. Moi, en tout cas, je considère que le handicap est une force. Je valorise quand les joueurs décident de prendre des persos avec des handicaps. Ok. En se basant un petit peu sur, je vais appeler ça une théorie parce que j'ai aucune certitude que ce soit vrai, mais qui dit que quand on a un sens qui est un petit peu défaillant, souvent ça exacerbe les autres. C'est un petit peu par rapport à ça que tu veux dire ça? Oui, c'est exactement ça. Et parce que pour le vivre au quotidien avec mes différents handicaps, malgré qu'on ait des limitations et que tous les jours ne soient pas faciles, il y a des jours où on a de la force, on a de la résilience, on est capable de faire énormément de choses. Et selon le handicap qu'on a, on a différents atouts. Et les gens qui sont en situation de handicap sont souvent pas très bien considérés par la société. Un peu mis au placard, ils ne se rendent pas compte non plus eux-mêmes de ce qu'ils ont au quotidien. Oui. Oui, et parfois même sans le vouloir, ce que tu viens de me dire, ça fait écho. C'est vrai que en tant que maître du jeu sur une table de jeu de rôle, je pourrais facilement faire l'erreur de dire « vous voyez quelque chose » ou « vous entendez quelque chose » sans même me poser la question de « est-ce que le joueur ou est-ce que le personnage peut se sentir blessé parce que lui ne voit pas ou n'entend pas ?» Mais c'est pour ça que c'est quelque chose d'important à prendre en compte et ça demande une vraie gymnastique. Mais les jeux de rôle n'ont pas été pensés pour la plupart pour les personnes en situation de handicap, oui. N'ont pas été pensés pour valoriser ce système-là. On voit par exemple sur le handicap mental, il y a beaucoup de jeux qui jouent sur la fraude mine, sur des endroits, oui. Mais c'est un désavantage beaucoup. C'est surtout sur les jeux d'horreur. Il n'y a pas que le côté pathologique. Et donc toi, tu es plutôt maître du jeu quand tu joues, tu es plutôt joueuse. Quel est ton rôle dans le jeu de rôle? Alors, je suis joueuse sur 3 tables actuellement. D'accord. Et je suis maître de jeu sur 2 à 3 tables. Ok. Lorsque tu maîtrises, comment ça se passe? Tu fais une création de personnage où tu proposes à tes joueurs d'amener un handicap sur les personnages? Est-ce que c'est des pré-tirés qui ont déjà quelque chose? Est-ce que tu laisses libre choix complètement aux joueurs? Comment est-ce que tu amènes ça? Alors, dans un premier temps, je discute avec mes joueurs de leur concept de personnage, ce qu'ils ont envie de faire. Et je leur propose justement à la création, par exemple, sur le monde d'Estérène, sur les ombres, tu as des désavantages qui peuvent être pris, qui vont faire gagner des points, et des désavantages physiques, sur la santé. Donc, je vais leur proposer de prendre ces désavantages-là, mais de compenser derrière avec des bonus sur autre chose. Ok. Par exemple, actuellement, j'ai une joueuse qui joue une poète aveugle. Oui, ça doit pas être facile, effectivement. Mais c'est assez incroyable de voir comment le joueur il arrive à la faire jouer. Donc, c'est assez intéressant de voir tout ça. C'est un jeu aussi qui joue avec la santé mentale. Ok. Plus on rencontre d'horreur, plus on a une santé mentale qui vacille. Ce qui est bien, mais du coup, à force de rencontrer certaines horreurs, les joueurs ont des points d'endurcissement. C'est-à-dire que ces horreurs-là ne leur font plus rien. Okay. Ils vont atteindre moins facilement la case folie, ils vont être plus résistants. Et bah, ça va être un lundi comme un autre. Hein. On voit une scène de crime, bon bah voilà, c'est un lundi comme un autre. J'ai envie de dire un petit peu comme la vie. Enfin, même si on ne devient jamais insensible, mais c'est un petit peu le processus de grandir justement que de s'habituer, entre guillemets, à voir ou entendre des horreurs. Et dans le monde d'aujourd'hui, je crois qu'on a de quoi faire en allumant simplement la télé. Exact. Et finalement, on finit par s'endurcir un peu parce que pas le choix. Il faut bien avancer malgré c'est tout. C'est ça, et on voit l'évolution. La campagne des ombres des sirènes, ça fait plus de 6 ans que je la mène. Okay. J'ai un personnage qui est là depuis le début, il est toujours en vie. Mais on voit l'évolution où on est passé de quelqu'un qui n'a pas beaucoup connu l'extérieur, qui n'a pas beaucoup voyagé. Et donc, elle a découvert le vaste monde. Et oui, forcément, on s'endurcit au quotidien et on est passé de quelqu'un qui était un peu naïf à quelqu'un qui est beaucoup plus assuré et beaucoup plus stable. Ok, super. C'est très, très intéressant. Ça me fait beaucoup réfléchir cette conversation parce que le jeu de rôle, je le pratique aussi énormément, à fort rythme, sûrement trop fort, je pense, comme la plupart des rôlistes un peu passionnés. Autant moi, j'aime les jeux, justement, où on frôle la folie, où on va chercher les limites des personnages. J'aime beaucoup incarner ça. J'avoue qu'avec les années, je m'écarte beaucoup des personnages lisses et des super-héros parce que la nature humaine est fascinante aussi, même dans son mal-être. Surtout dans son mal-être. Mais c'est vrai que je me dis, ça doit être super intéressant de placer ces handicaps ou ces spécificités, j'ai envie de dire, plus que handicap, au centre d'un jeu de rôle. C'est très fascinant et c'est très intéressant. Et la beauté humaine, la diversité humaine fait qu'on n'est jamais assez émerveillée de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut envisager en tant que joueuse. Et en tant que MJ, j'essaye de faire en sorte que tous mes joueurs puissent avoir leur place. Ça m'est déjà arrivé de faire des jeux de rôle pour des personnes atypiques, parce qu'on retrouve beaucoup de personnes qui ont des problématiques sociales, qui ont des problématiques de santé aussi, qui ont des troubles du spectre autistique, qui ont des TDAH, qui ont du mal aussi en société. Oui. Et donc, c'est assez intéressant, et en tant que personnage, d'intégrer le handicap, et en tant que MJ, de faire attention à ce que les joueurs en situation de handicap puissent avoir leur place aussi, avec leurs spécificités. Oui, et ça rejoint la théorie, alors que personnellement, moi, je soutiens, après, propre à chacun de se positionner, mais sur le fait que le jeu de rôle est totalement libérateur aussi, parce que les possibilités sont infinies, et que je crois qu'aujourd'hui, la place qu'on donne à l'imaginaire est très importante dans nos vies, j'en suis persuadée. On a ce besoin de se projeter dans un monde qui n'est pas le nôtre pour s'évader pendant quelques heures. Et il est de plus en plus fréquent de voir du jeu de rôle dans certains hôpitaux, dans certains accompagnements par rapport à des maladies psy, parce que justement, on peut soit venir travailler du trauma, soit venir travailler des choses qui nous bloquent et on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, il y a vraiment le jeu de rôle qu'on peut faire, et attention, on n'est pas tous thérapeutes, hein, qu'on soit bien d'accord, on peut aussi faire du jeu de rôle juste pour faire du jeu de rôle sans se poser aucune question, ça reste un loisir, mais il est utilisé de plus en plus à des fins thérapeutiques. Puis on a aussi la possibilité de, dans le jeu de rôle, de se dire, bon bah tel sujet, non, je veux pas du tout en parler, ça me trigue bien trop, et j'ai pas du tout envie d'aller dessus. En ce cas-là, hop, pirouette stick, et du coup on en passe de façon édulcorée sur cet événement ou sur cette chose. Oui. Et je sais que avant, avec les jeunes, on a ce besoin d'explorer l'imaginaire. Et après, en tant qu'adulte, quand on se rend compte du monde dans lequel on vit actuellement, qui est très stressant et très anxiogène, on a aussi ce besoin de s'évader. Et je trouve que c'est un très bon travail sur les émotions. J'ai beaucoup défendu ça sur le fait que, si on le souhaite en tout cas, le jeu de rôle peut aussi permettre de plonger dans la distinction de différentes émotions. Pour quelqu'un qui a du mal à les définir, c'est aussi intéressant de se dire, bah tiens, là mon personnage est, peu importe, très en colère, très triste, très... Et je vais devoir le jouer comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant, cette sorte d'acteurisme un petit peu qui t'oblige à venir travailler une émotion que peut-être toi, chez toi, dans ta vie, tu ne maîtrises pas forcément. Et finalement, en parallèle, c'est une sorte de travail. Attention toujours, hein, je rappelle, le vrai travail sur les émotions, le vrai accompagnement psychologique se fait avec des professionnels et non pas avec quatre copains autour d'une table. Mais malgré tout, je trouve que ça rééduque quand même à l'apprentissage de ces émotions. Ça rééduque et ça permet de s'approprier aussi les émotions qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, qu'on n'a pas l'habitude de se confronter aussi. Pour certains, parce que c'est des émotions qui sont complexes. Je pense à... J'ai une partie de cette mère où on en a une qui est en train de mourir. Elle est en train de se vider de sang avec le dilemme qu'on peut avoir, les sentiments qu'on peut avoir à l'encontre de ce personnage qui a un passé un peu compliqué. Mon personnage, ça a été son auxiliaire. Après, elle s'est détachée. Elle s'attendait à se retrouver. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme on pourrait imaginer. Elle a un petit deuil de cette relation. Et en même temps, elle l'aime très fort au point où elle s'est déjà pris une balle précédemment. Et où, du coup, mon personnage a choisi de faire appel à la noirceur qui vivait en elle et aux ténèbres pour sauver ce personnage, et où là elle est en plein dilemme cornélien de se dire est-ce que je la sauve, est-ce que je la sauve pas, est-ce que je me damne pour elle. Et c'est des émotions qu'on n'a pas l'habitude de travailler aussi, des dilemmes cornéliens, parce que enfin on n'arrive jamais dans la vraie vie à se dire est-ce que je la sauve ou est-ce que je la sauve pas. Oui, ou du moins j'imagine que si ça arrivait, on passerait sur l'ordre du réflexif, en fait. Il n'y aurait pas cette théorisation. C'est ça. Ça donne des moments absolument épiques. Oui. Je ne suis pas très objective, étant passionnée aussi, mais je trouve que oui, il y a très peu d'activités qui arrivent à la cheville du jeu de rôle. Non, on arrive à des choses très anciennes. Ça nous fait ressentir des émotions. Pour avoir regardé, par exemple, quelques actual play ou... où on s'attache très vite aux personnages, où on ressent avec eux les personnages, parce que le jeu de rôle, c'est de l'acting, c'est, enfin, en plus d'être sur une table et de jouer entre copains et de s'amuser et d'écrire une histoire, il y a une profondeur d'acting importante aussi, de roleplay. Pour certains, je sais que, par exemple, sur mon jeu de rôle des homos des stériles, il y a énormément de parts au roleplay et très peu au lancer des. Donc, du coup, ça oblige les joueurs à travailler. À être plus du côté narratif que technique. C'est en ça. Fait. Du coup, ça leur oblige à réfléchir, bon, avec toute ma capacité, tout ce que j'ai, comment je fais jouer, et puis surtout, comment je me l'approprie le personnage. C'est-à-dire que je peux donner le même personnage à un tel ou un tel, les jeux seront différents. Oui. Et j'ai envie de te demander de manière plus générale, donc, j'imagine que ton parcours n'a pas été simple forcément avec ce que tu nous décrivais au début de cet épisode, avec ces handicaps qui viennent t'affecter. Comment est-ce que tu décides un jour d'en faire une force et, parce que tu investis ça dans le jeu de rôle, tu es aussi très investie dans une association ou des associations, je crois. Oui. Bah, j'ai décidé d'en faire une force puisque toute ma vie, j'ai été malade. J'ai eu des problèmes de santé dès la petite enfance. J'ai passé de mes 5 ans à mes 11 ans à l'hôpital. Faire des allers-retours à l'hôpital pour des problèmes de reins. J'étais anorexique de ma naissance jusqu'à 11 ans. Ça peut être assez incroyable avec pas mal d'angoisse, de rejet aussi de la part de mes camarades. J'ai toujours été solitaire. Donc ça a été assez difficile et je m'en suis beaucoup plongée dans l'imaginaire. Et j'avais, depuis toute petite, décidé que peu importe ce qui pouvait m'arriver, je devais rebondir. Ma devise, c'est toujours rebondir, quoi qu'il arrive. On peut être au fond du gouffre, c'est pas grave, arrive au fond du gouffre. Mais l'important, c'est un peu à la manière des chevaliers, j'imagine très bien, en mode, on est au fond du gouffre, on est blessé, voilà, c'est poser le chevalier, s'appuyer dessus, se relever, redresser les épaules et se dire, bon, maintenant on y va. Ok, on a pris cher. On est blessé, que ça soit dans la chaîne, dans l'âme ou quoi que ce soit, bon, on y va et on va la liac. Parce que si on s'arrête au moindre problème, si on s'arrête à la moindre chose qui nous blesse, qui nous fragilise, qui nous impacte, voilà, on s'arrête en fait de vivre. Comment ? Si on s'apitoie sur son sort, si on se dit, bon, ben voilà, j'ai telle chose, j'ai tel problème, voilà, ben non, ça avance pas, on peut pas vivre comme ça. J'ai décidé de toujours rebondir et toujours en faire une force. Parce que c'est ça, en fait, qui est le plus important. J'ai travaillé auprès d'enfants, j'étais matrice auprès d'enfants. D'accord. Bah, c'est aussi permettre à des enfants qui, pour certains, ont du mal à communiquer, à parler aussi, qui vivent des choses pas chouettes, de pouvoir être là pour eux et les soutenir du mieux qu'on peut, avec les moyens qui nous sont donnés. Et je m'engage avec une association. Je suis actuellement dans une association qui s'appelle les MADIS. Donc, maman handicapée, c'est la contraction d'une maman handicapée. Ok. Donc, on met un groupe de soutien où on se retrouve entre mamans qui ont tous des problèmes de santé importants ou moins importants, ça dépend des personnes, et qui ont toutes besoin de ce soutien, d'avoir de l'écoute et de l'aide, parce que quand on devient maman et qu'on est handicapée, et toute la grossesse, on est suivi, le reste n'est pas dans le cas. Il y a très peu d'établissements, il y a très peu d'endroits qui sont conçus pour accueillir des personnes en situation de handicap. Oui. Souvent, quand on a un projet bébé, quand on est en situation de handicap, on tente de nous dissuader d'avoir des enfants. D'accord. C'est quelque chose que toi, tu as ressenti dans l'accompagnement de ta grossesse ? Alors, c'est ce que j'ai ressenti dans l'accompagnement de ma grossesse. C'est ce que aussi on discute avec certaines MADIS où il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans la famille, dans l'entourage proche d'une personne en situation de handicap qui souhaite avoir un enfant. On nous dit clairement que ah là là, mais tu te rends compte, ce n'est pas responsable, tu te rends compte de ce que tu veux faire à cet enfant, c'est pas possible, tu n'as pas le droit là, de faire subir ce que tu subis. Oui. Alors que bon, on n'est pas, enfin, toutes nos maladies ne sont pas forcément génétiques pour certaines, et puis, même, c'est une roulette, c'est un peu une roulette russe. On a ce besoin aussi de maternité, on peut être de très bonne maman et en situation de handicap. Bien sûr. Et oui, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour. Quand on prend, par exemple, une d'hôpitaux, comment accoucher, comment faire quand on est en fauteuil roulant, imaginons, pour s'occuper d'un bébé. Dans les tables hautes, mais en maternité, elles ne sont pas prises pour les personnes en situation de handicap. Oui. Et donc, l'accompagnement, on arrive à des problématiques où on se creuse la tête, là, en tout cas, qu'ils nous m'a dit, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que toi, tu as mis en place avec ton problématique qu'est-ce que vous me conseilleriez, vous qui avez vécu ça, tout ça. La problématique actuelle, c'est que je ne peux plus porter mon fils. Il fait plus de 10 kilos, je ne peux plus le porter, sauf qu'il a moins de 2 ans. Et donc, bah, il est très en demande d'être porté. Bien sûr. Donc, c'est trouver des solutions pour satisfaire ses demandes parce qu'il a besoin. Et mes problèmes de santé qui font que bah, si je le porte tant, trop souvent, bah, après moi, je finis au lit en PLS. Oui, oui, avec tes propres limites à toi aussi, malgré ce que tu as envie de donner. C'est ça, quoi. Et donc, avec les bâtisses qui sont incroyables et résilientes, on s'entraide et on se trouve des solutions. Alors, tout n'est pas bon à prendre, on ne remplace pas des médecins, on ne remplace pas un avis médical. Mais on se donne des conseils, on donne nos propres limites et nos propres expériences qui permettent aussi de dire « Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, un truc tout bête ». Bah oui, prendre une tour d'observation et puis on est la tour d'observation partout où on est. Ça permet à l'enfant d'être un acteur et en même temps, il n'est pas dans nos bras. Et je crois qu'au niveau du sujet du handicap, c'est enfin là, c'est spécialisé dans l'accompagnement des mamans. Pour avoir eu une expérience il y a quelques années en arrière, où j'avais eu la chance de participer à une journée handisport avec une association qui était partie très loin dans le projet de cette journée, puisqu'il y avait eu... dans un premier temps, un match de basket en fauteuil auquel j'avais pu participer. Et ensuite, une balade dans les rues de Grenoble en fauteuil. Et je me souviens de cette prise de conscience de me dire, mais en fait, chaque geste du quotidien que moi je fais de façon totalement habituelle est une vraie épreuve. Vraiment sur des actes très simples, hein. On avait fait des choses très banales, du genre retirer de l'argent et faire des courses dans un magasin en étant en fauteuil roulant. C'était scandaleux à quel point les allées n'étaient pas adaptées au passage des fauteuils, à quel point il n'y avait aucune solution pour rattraper les produits qui pouvaient être intéressants à partir de la 4e étagère sur les rayons. Le retrait d'argent, c'était scandaleux parce que c'était taper son code sans voir le clavier, mais par contre en laissant à vue absolument tout le monde sur le code confidentiel de la carte. C'était il y a quelques années et il y a eu des aménagements de fait depuis à certains endroits, mais on reste quand même sur une difficulté, j'ai envie de dire plus que quotidienne, mais presque de chaque instant, parce que le handicap aujourd'hui n'est pas pris en compte dans les actes habituels de la vie quotidienne. Non, parce qu'on est dans une société qui n'a pas été pensée pour ça. On considère encore aujourd'hui que le handicap, c'est une minorité de personnes. Je ne parle même pas du handicap invisible. Oh là, c'est terrible. Alors, oui. Voilà, on considère pas les personnes et rien, malgré la loi de 2005, ce n'est pas accessible. Beaucoup de bâtiments ne le sont pas prévus. Les trottoirs ne sont pas prévus. Oui. On se rend bien compte, puisque là, vous savez, fait à peu près la taille d'un fauteuil roulant, que ça ne passe pas. Il y a plein d'endroits où ça ne passe pas. Où les gens n'ont pas de respect non plus et se garent n'importe où. Quand ils se garent pas sur une place handicapée. Voire, quand on se gare sur une place handicapée, nous, en situation de handicap, ils viennent pas en mode « Ah, mais vous êtes vraiment trop valide pour cette place, vous devriez pas être là !» C'est pas parce que je suis pas en fauteuil que je n'ai pas des problèmes de santé, en fait. Oui, oui, oui, c'est vrai qu'il y a encore ce cliché que le handicap, c'est le fauteuil roulant. C'est pas vrai, parce que 80% des handicaps sont invisibles, ne se voient pas. Oui. Le fauteuil roulant tout n'est pas fait la norme. Pour certains, oui. Et puis, il y a encore des personnes que ça choque de voir une personne en fauteuil roulant se lever de son fauteuil roulant. Mais toutes les personnes en fauteuil roulant ne sont pas paraplégiques. Oui, oui. Nous, on a avoir besoin pour gagner en mobilité. Mais oui, tout n'est pas... La société n'a pas été pensée pour, n'a pas été adaptée à la différence. On lutte encore de nos jours pour nos droits simples au quotidien, pour avoir des choses aménagées, pour que ça soit de plus en plus inclusif. Parce qu'on force l'inclusivité, par exemple, dans les écoles qui ne sont pas du tout adaptées. Oui. et avec des personnels non formés. C'est une question budgétaire de fermer des IME parce que ça coûte cher d'avoir des éducateurs spécialisés, parce que voilà, mais on va tous les inclure à l'école. Oui, mais il y a des enfants qui ne sont pas faits pour être inclus à l'école, ou en tout cas, pas faits pour être inclus dans le système scolaire tel qu'on pensait actuellement. Bien sûr, bien sûr. On a 30 enfants par classe, et que les 30 enfants, tu en as deux ou trois qui ont des problèmes d'hyperactivité, de comportement, ou qui ont besoin d'une APLS, par exemple, parce qu'ils ne comprennent pas, ou ce genre de choses. C'est très compliqué de faire du cas par cas quand on a 30 enfants tout seul à gérer. Bien sûr. Mais ça commence dès tout petit, et ça commence après adulte, et ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été réfléchi. Les gens se battent toujours pour les droits qu'on nous supprime au gré des mesures gouvernementales. Mmh. Mais on arrive à avoir un bon réseau quand même, personne en situation de handicap qui s'entraide, qui arrive à trouver des solutions pour essayer de lutter dans un monde où ce n'est pas du tout adapté et où le regard de la société est très validiste sur ce qu'on peut faire et quoi. Oui. Effectivement, mais c'est un très beau combat et je trouve ça admirable en étant concernée par la question du handicap, de réussir à en faire un combat. J'ai toujours cette fascination pour cette prise de recul qu'il faut avoir pour en faire un combat que tu mènes quand toi-même tu es impactée. Donc, chapeau à toi. Merci. Je considère que c'est normal quand on arrive, enfin en tout cas moi j'arrive à avoir une vie relativement confortable et avoir des pistes, c'est normal d'en faire profiter. Je prends non. Ça devrait être un problème de société de se dire, bon, voilà, on se sort les timbres, on rebrousse les petites manches et puis hop, on y va. Oui. Parce que c'est un droit pour tout le monde et les gens ne réalisent pas qu'ils peuvent perdre la santé aussi rapidement. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, et j'ai ce souvenir, tu parlais tout à l'heure de la loi de 2005. J'ai ce souvenir quand elle a été mise en place qu'il y avait une sorte de demande de compréhension pour le temps de la mise en place des nouveaux accès pour les personnes handicapées, enfin des adaptations en tout cas qui pouvaient être faites. Et finalement, 20 ans après, autant j'ai, d'un œil très extérieur, j'ai eu l'impression que les quelques mois qui ont suivi la promulgation de la loi ont été efficaces. Je me souviens à l'époque de la ville de Grenoble, encore une fois, qui avait fait beaucoup de choses par rapport aux arrêts de bus et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est retombé aussi vite que ça s'est mis en place. Aujourd'hui, on est encore sur un discours un petit peu « bah oui, mais bon, il nous faut du temps pour mettre en place les choses. Pour... » Mais ça fait 20 ans, quoi. Oui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que la loi oblige l'accès aux lieux publics, aux établissements qui sont là pour recevoir du public. Et pourtant, il y a encore énormément d'endroits où une personne atteinte d'un handicap ne peut pas se rendre. C'est fou. Mais c'est aussi une volonté non seulement politique, mais c'est un endroit où on s'en fout. Et c'est une volonté budgétaire, c'est... Les efforts ne sont pas mis en cet endroit-là. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, on avait la bonne volonté de se dire on va rendre accessible et tout. Non, c'est bien, tout ça. On s'est rendu compte peut-être que par exemple, pour les mairies, va falloir déménager la mairie parce que les bâtiments sont pas accessibles. Il y a beaucoup de vieux bâtiments. Donc, comment aménager un vieux bâtiment historique de façon à ce qu'il soit accessible, mais que ça ne dénature pas trop non plus? Il y a une volonté qui n'est pas là de la part des politiques de mettre en place des choses. Parce qu'ils vont se concentrer sur d'autres choses et pas sur quelques personnes en situation de handicap. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Non, non, je trouve que tu es dans le vrai, voire même j'étais en train de penser pire, tu sais, de me dire. J'ai même eu la sensation à plusieurs reprises qu'il y avait une sorte d'hypocrisie, genre sur certaines décisions, j'allais dire sur certaines communes, mais non, parce que c'est plus large que ça. Mais j'ai eu l'impression parfois de... Enfin, on a fait une chose et donc on ne peut pas nous dire qu'on n'a rien fait pour les personnes handicapées. Cette sorte d'hypocrisie un petit peu de... On n'a pas vraiment envie de se poser la question, on va faire... une chose, on va mettre en place un truc et comme ça, on ne pourra pas nous reprocher qu'on n'a rien fait suite à la loi 2005. Et puis, sur des équipements, il faut déjà qu'ils fonctionnent. Par exemple, on a vu au JO de Paris, les métros sont censés être accessibles. En tout cas, pas mal de stations de métro sont censées être accessibles avec des ascenseurs. Encore faut-il qu'ils fonctionnent, les ascenseurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et encore, enfin, Je veux dire, avec le monde et tout ça, enfin, il y a aussi d'autres paramètres. C'est pas en ayant mis un ascenseur, c'est un peu dans ce sens-là que je le oui. dis, si tu veux. C'est pas parce que t'as mis un ascenseur que t'as rendu accessible le métro parisien. Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, en étant valide, le métro parisien reste une jungle, clairement. Donc, j'ose à peine imaginer en fauteuil ou avec un handicap, enfin, comment est-ce que ça peut être possible de se déplacer dans le métro? Enfin, C'est très difficile pour le faire avec une canne. Pour le coup, moi, je suis souvent équipée avec une canne. C'est très, très compliqué parce que c'est une jungle. Les gens ne font pas attention ou ne sont pas là pour faire attention. Et voilà. Et puis, bah, le fait de porter sa valise, par exemple, de la place dans les métros, parce que bah, c'est pas fort dans mon cou, tout simplement. C'est ce genre de choses. Et on se dit, bah, c'est bon, je fais une rampe. C'est bon. Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as pensé à avoir un personnel formé en langue des signes? Non. Dommage. C'est dommage pour une administration que les personnes sourdes ne puissent pas faire leur démarche et soient obligées d'engager un interprète qui leur coûte énormément d'argent pour pouvoir faire leur démarche. Enfin, c'est pas possible. Oh, même sans penser à avoir un interprète. Mais est-ce que tu as pensé à avoir de quoi noter? Écrire pour que ces personnes puissent écrire à défaut d'avoir un interprète. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est hallucinant. Là, tu vas soigner une personne sourde, très bien. Tu lui annonces comment, qu'elle a un cancer, qu'elle a... Voilà. Oui. Ben voilà, faut faire venir un interprète, mais sur le coup, si c'est une opération en urgence, est-ce que tu vas avoir le temps de faire venir un interprète? Et puis, qui va payer l'interprète? Et oui, c'est tout ça. Un tas de questions. Enfin, on va voir... fait des études aussi en... J'ai fait de la langue des signes et j'ai été en licence d'intervention sociale en langue des signes. J'ai côtoyé le monde sourd pendant pas mal de temps. Et on se rend compte que bah déjà, la langue des signes a été interdite pendant tout son temps en France. Il faut le savoir. Ah oui ? À la loi de 1880 sur les langues régionales. Où les langues régionales ont été interdites depuis 1000 ans. La langue des signes a également été interdite. Donc, on a empêché les sourds d'utiliser leur langue, de communiquer. On les a forcés à oraliser, qui a été un véritable traumatisme. Bien sûr, bien sûr. Et il y a eu en 1979 le réveil en France, où les Français sourds ont commencé à lutter pour faire reconnaître la langue des sourds et leurs droits. Et il faut savoir, aujourd'hui, sourds luttent encore pour avoir des professeurs sourds, pour avoir des professeurs qui signent pour les enfants sourds dans des écoles spécialisées pour les sourds. Oui, alors que c'est... C'est le bon sens. Oui. C'est de lutter au quotidien pour de l'accessibilité, d'avoir des lumières. On n'y pense pas, mais en cas d'évacuation d'un bâtiment, il va entendre l'alarme. Eh oui. Voilà, les choses bêtes. Hein. Je ne qualifierais pas ça de bête du tout, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui pose question. De par mon métier, j'ai travailler dans pas mal de foyers différents, enfin avec différents handicaps. Et c'est très souvent un non-sens qui me sautait aux yeux parce qu'on avait tous cette formation d'évacuation incendie qui est obligatoire dans nos métiers. Et je me disais toujours, mais là, la théorie est magnifique, mais le jour où tu dois vraiment évacuer ce bâtiment, alors que ce soit sur du handicap physique qui oblige à pas mal de manutention pour aider les personnes à sortir, que ce soit sur du handicap plutôt mental, ou des maladies psy qui créent de l'angoisse, qui créent de la panique, effectivement, les bâtiments eux-mêmes ne sont pas adaptés à ça. Ah non, les bâtiments ne sont pas du tout adaptés. Les plans d'évacuation ne sont pas adaptés. Ils réfléchissent pour. Parce qu'on n'a pas pensé à tout ça. Même dans des bâtiments, par exemple, des hôpitaux ou en France, comment on évacue? Comment on évacue des personnes malades? Oui, oui. Comment on évacue des personnes qui ne peuvent pas sortir de leur lit? Oui, oui, bien sûr. J'imagine un service des urgences avec blindé comme ça peut être aujourd'hui qui doit évacuer en urgence, ça serait catastrophique, c'est certain. Oui, okay, parce que les gens ne sont pas formés. Dans le monde de l'animation, on voit arriver aussi les problématiques avec les enfants TDAH, les autistes, enfin, différentes choses qu'il y a, et des animateurs qui ne sont pas du tout formés. Donc, ils vont considérer que va faire correctement quelqu'un, mais les bâtiments ne vont pas adapter à ces enfants-là. Et bah, s'il y a un plan d'évacuation, comment vous faites quand un enfant autiste est en train de faire une crise dans un coin? Rien n'est pensé, rien n'a été réfléchi sur tout ça. On pense à la majorité, on pense aux valides, et le reste suivra qui suivra. Oui. C'est vraiment triste, et on est dans un monde qui est un peu désespérant, et avec les nouvelles politiques, les nouveaux plans de budget, par exemple, ça fait très peur. Oui. Ça fait très très peur, hein, les moments où on va. Oui, c'est vrai, le constat est assez effrayant. Mais heureusement, il y a des gens comme toi, justement, qui luttent. Et c'est bien, ça réchauffe le cœur de se dire que le sujet n'est pas à l'abandon, en tout cas. C'est aux heures les plus sombres qu'il faut lutter le plus fort pour faire briller la lumière. Je suis bien d'accord. Je te remercie pour ces sujets qui sont fascinants et je pense sur lesquels on pourrait discuter pendant des heures. On va se diriger doucement vers la fin de l'interview. J'ai quelques petites questions à te poser qui sont un peu en marge de tout ça. J'aimerais savoir ce que tu dirais aujourd'hui à ton toi de quand tu étais toute jeune, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec le recul et avec l'expérience? Je lui dirais que ça va aller, la roue elle tourne. La patience et l'espoir. Le dernier film, livre ou la dernière musique que tu as découvert et que tu as envie de nous partager? Le dernier film, j'ai découvert plutôt des dramas chinois. Je viens de terminer quand nous rencontrons. Enfin, petite comparaison, c'est quand un démon se met sur notre chemin. Ok. Si tu étais un moment de détente, qu'est-ce que tu serais? Je serais une bonne soirée aux chandelles, dans un bain chaud avec de la musique douce et ambiante. Je vois, je vois. Et la toute dernière question, le mot de la fin. Un mot de la langue française que tu as envie de nous partager. Pas forcément ton préféré, pas forcément le plus beau, mais le premier qui va te passer par la tête, là. Là, en fait, c'est le mot profit, profiter. Profiter, oui. Un grand, grand merci à toi, Clotilde, pour cette interview. C'était fascinant pour moi. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Au plaisir de rediscuter de tout ça. Et bonne continuation à toi dans ce combat qui demande, je pense, beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.